L'agonie, chapitre 5. Un grand bruit dans la région transtévérine, un bruit de foule hurlante, un galop d'hommes et de femmes courant vers le pont Sublicius. Des enfants grouillant dans des immondices s'effaraient, pendant qu'à des ouvertures de fenêtres, des têtes se poussaient, curieuses, et que, de frayeur, des tavernes basses, à un seul auvent, se fermaient. On criait les divers noms d'Elagabalus, à la fois Antoninus, parce que sa mère, Sémias, assurait l'avoir eu d'Antonin, Bassianus, Varius, Avitus, le Syrien. Gaël coupait des groupes pressés de citoyens et d'esclaves, d'où seulement émergeaient, posés sur des planchettes ou fichés à des hampes droites, des statuettes, des ferrailles et des quartiers de port salés et de marchands, qui, en hurlant, évitaient par instant, avec des mouvements flexueux de reins, des coups de plat de glaive de soldats lamellés de fer et de bronze. Des orientaux, dont les longs vêtements bariolés faisaient des taches remuantes dans le blanc sale des toges romaines, frappés sur des tambours recouverts d'une seule peau. D'autres soufflaient dans des trompettes droites de cuivre luisant. Des prostituées s'injuriaient tout haut, et des matrones couraient après leurs enfants demi-nus, cabriolant partout. Dans la voie sacrée où il débusqua, une lectique portée par quatre esclaves fila devant lui, en un enlèvement nerveux de deux hommes couchés sur des coussins pourpres, l'un pâle à la courte barbe châtain, l'autre plus jeune, un grand enfant sorti de l'adolescence, la peau dorée, le regard mobile, les cheveux crépelés comme les siens. Gaël le regardait par l'entrebâillement des rideaux de cuir, les plagules, et le souvenir de son frère du pays, perdu à jamais, lui montait aux yeux, et plus il le regardait, plus ce souvenir grossissait. Oui, c'était bien ce Madé dont il parla à Maglo. Et secoué, ravi, il cria « Madé, moi, moi !» Il courait après la litière pour appeler l'attention de la franchie avec Attilius. Mais Madé n'entendait pas dans la rumeur enveloppante. Mais Attilius songeait. Alors Gaël ouvrit tout à fait les rideaux. La lectique s'arrêta sur un geste de Madé qui avait vu Gaël. Le reconnaître et descendre, après une rapide hésitation, et l'embrasser, fut tout un. « Oui, oui, c'est moi, venu de là-bas, tu sais, mon bon Gaël !» Et il l'embrassait encore, avec des larmes aux yeux, pendant que Gaël l'admirait, palpait son cou, ses bras, sa chevelure, fleurant un parfum du lointain pays. Comme Attilius les regardait d'un air impassible, à demi égaré, Madé lui fit « C'est mon frère du pays, dont je t'ai souvent causé, et qui me sauva pendant que les gens de ma race se faisaient tuer par la légion romaine. Sans lui, je serais mort. » Qui sait où, toujours loin de toi. » Il disait cela précipitamment, très heureux que Gaël partageât son bonheur de le voir bien vêtu et coiffé de sa mitra qui lui allait à ravir, et qu'Attilius connut son frère de Syrie. Celui-ci, indulgent, du fond de la lectique, fit alors au potier « Cours avec nous et viens avec nous !» Et Madé remontait, la litière s'avança entre le Viminal et l'Esquilin, étageant leurs édifices et leurs maisons qui avaient une belle couleur de safran. Elle obliqua. Le quartier des Carènes se présenta, avec ses temples et ses portiques nombreux, ses thermes, ses jardins, dont les feuillages gardaient une grande ténuité, une luisante immobilité. Et toujours du peuple, croulant des hauteurs voisines, débusquant des angles des maisons hautes avec des fenêtres en saillie d'échafaudage. courant vers la voie sacrée laissée à gauche, comme sortie de trous lumineux, dans la pleine clarté du midi qu'il était. Dans le bariolage des vêtements et des tentures claquant partout, dans les étoffes agitées du haut de char, plaquées d'ivoire et d'argent. Et toujours les noms prestigieux d'Elagabalus, comme si le jeune empereur dût approcher plus vite, rien qu'à ouïr cette longue acclamation. « C'est demain que le divin Antoninus entre, » dit Madée à haute voix, pour que Gaël l'entendît dans le tumulte. « Le peuple veut le saluer à son approche de Rome. » La litière s'engagea dans une étroitesse d'île, aux maisons muettes fermées par des portes à battants de fer, et s'arrêta devant une ouverture d'ostium encadrée de pilastres qui s'ouvrit, laissa voir un vestibule où apparut une face sanguine de Janitor et, au fond, un carré chromé, une ligne droite de colonnes de travertin rouge, un vague éloignement de salle, traversé par un rayon de soleil, lamé comme de l'argent dévidé en un large ruban. Attilus et Madée descendirent. Ce dernier prit Gaël qui hésitait. « Il permet que tu viennes, lui dit-il, car il aime l'Orient et notre race. » Il l'entraîna à la suite d'Attilus pendant que des esclaves accouraient. Dans l'atrium, paré d'une mosaïque et plafonné d'une fresque étouffée, expirant à la corniche des colonnes de travertin, un cri rauque retentit. Un singe gris, attaché à un autel bâti au bord du bassin, roulait des yeux presque humains vers Attilius, et une ombre évoluait à la muraille où des bigarrures d'oiseaux peints s'envolaient en des nues bleues et roses. Et Gaël, qui ne savait que dire et marcher précautionneusement, aperçut un paon arrondissant le faste de sa queue aux yeux glorieux en un armoge calme d'irisements et de colorations. L'oiseau resta immobile, une patte en l'air, l'attitude énigmatique, le regard droit sur le bout de ciel bleu passant par l'ouverture du toit, le compluvium. « Toi aussi, allez au-devant d'Antoninus ?» demanda Madée à Gaël, pendant qu'Attilius s'enfonçait vers le péristyle, au fond d'un étroit couloir bordé de tentures, où la tunique, qu'il portait à l'oriental, blanche avec des rayures bichromées, fit un ton clair mouvant. « Oui, frère Madée, » dit Gaël, « on dit que répudiant tous les dieux romains et n'en acceptant qu'un, qui est un dieu de l'Orient, il sera bienveillant pour nous. » Pour nous ? Questionna Madée, qui eut un point d'interrogation. Et il lui prit la main, le força à s'asseoir à ses côtés, sur un siège de bronze à deux places, un bicélium. Le paon toujours élargissait sa queue, et le singe, tranquillisé, buvait du soleil blondissant le bassin de l'atrium, dont l'eau, d'une profondeur suspecte, avait des remous lents. Dans le mouvement qu'il fit, Madée laissa découvrir l'amulette noire, le cône attaché au col par une fine cordelette, et, comme Gaël, surpris, ouvrait la bouche. « Eh oui, je suis prêtre du soleil, consacré par Attilius au dieu de la lumière et de la vie, au dieu d'Elagabalus, en qui se résorbent tous les dieux. » « Ah !» fit Gaël. Il restait pensif, pris d'une espèce de superstition pour ce sacerdoce, avec des regards en dessous vers Madée, dont les cheveux odoraient bon, dont les membres souples, polis à la pierre-ponce, gardaient du bain l'onctuosité de l'huile aux essences multiples. Il avait l'air délicat et heureux d'un éphèbe qu'un rien ferait s'évanouir. Ses bagues étincelaient. La graffe de sa tunique traînante jetait des coruscations subites. Ses chaussures, bordées d'argent, crépitaient d'éclairs de pierre fine, serties juste au-dessus du pied, en un joyau où l'ivoire, la turquoise et l'or entrelaçaient des floraisons contournées. Et il avait surtout une pose lascive, un morceau de croupe frémissante comme d'une prostituée dont la chair avisée vibre au moindre contact. Gaël comprit, et son regard rencontra celui de Madet. Ils causèrent, laissant réveiller en eux des années vécues sur les bords de l'Euphrate, où ils furent entraînés par des bandes révoltées en des régions de ruines immenses, étendues à perte de vue, dévorant des avortements de forêts qui s'acharnent à pousser à travers les pierres, les briques et les marbres, où courent des profusions d'écritures à assemblages de coins. Ils étaient surpris de s'être reconnus si vite, et comme instinctivement, après tant de jours écoulés, tous deux ayant grandi, étant devenus méconnaissables. Enfants alors, ils étaient hommes maintenant. « As-tu compris pourquoi, en un éclair, notre esprit a sympathisé et nos visages se sont reconnus ? Qu'est-ce qui a éternisé notre amitié et l'a figé en nos cœurs malgré les années ?» Ils se parlaient, Gaël se rapprochant de Madet, Madet ayant comme une petite crise de nerfs. Et l'aspect grossier du potier, ses mains grasses d'argile, sa chevelure épaisse risottée, sa peau rude tachée de rousseur, n'étaient point désagréables à l'ami qui oubliait tout pour lui. Tout à coup, Madet fit. « Tu adores Christos, je l'ai compris, et l'Agabalus le vénère. » Et Attilius, qui conseille Elagabalus, fait de Christos comme la pierre noire, mais moins puissant qu'elle. Car Christos, qu'est-il près d'elle? Une signification du principe de la vie. Nous serons donc protégés par l'Empire, dit Gaël, qui ne comprit pas tout ce que lui assurait Madet. Un des nôtres, qui s'appelle Zal, et est un oriental, croit même que la pierre noire va acheminer le monde vers Christos. Un glougloutement dans le bassin, d'où une gueule creva, un goitre jaune, des yeux atones, un crâne plat, avec des squames verdissants. Elle restait immobile, pointant vers le singe qui lui grimaçait, pendant que la queue du paon rayonnait en une cascade de pierreries violacées, bleuissantes, rubéfiantes. Puis un bruit de pas, et s'entr'ouvrit une portière tramée de dessins jaunes, coupée d'angles grecs. Cuirassée par les lames d'or d'un chalcochiton, avec un casque à aigrette plucheuse, une armure moulée au mollet droit, un clamis bleu fixé à la cuirasse par une grosse sardoine en fibule, Attilius apparut. À l'aspect de Madel et de Gaël, il sourit. Et ce sourire blanc, coupant sa face court-barbue, triste, grave et au méplat bleuâtre tant ils étaient délicats, était si extraordinaire que Madet, tout embarrassé, se leva, couvrant Gaël qui s'effarait. Nous causions de la terre qui nous a vu naître, et je ne me lassais d'écouter Gaël, qui adore Christos. « Ah, tu adores Christos ? » dit Attilius, plantant un regard fixe sur le potier et s'arrêtant net. L'Empire, qui veut l'unité des dieux dans la pierre noire, sera bienveillant pour toi et les tiens, quoique Christos, votre dieu, ne soit pas l'image complète de la vie une et que vous ne recherchiez pas en lui l'androgyne. Mais si votre Christos espère en Elagabalus, cela suffit pour que vous soyez protégés par lui. Il lui tourna le dos, après un signe disant que maintenant il n'avait qu'à s'en aller, et un singulier coup d'œil pour Madet, qui accompagna Gaël jusqu'au seuil de la porte, élevé de quelques marches au-dessus de la rue déserte et tout ablué de soleil. « Viens me voir ici, où je serai toujours, » lui souffla Madet, à moins qu'Attilius, qui est primicérius de la garde prétorienne, ne m'emmène au palais des Césars, que va habiter le divin Elagabalus ? Il n'est que Christos dont la personne soit divine, répondit Gaël en étreignant Madet, qu'il quitta tout triste.